franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Nous partons à Rennes, Philippe. Ah. Rennes, ville de l'amour. Alors, je pense au groupe Saint-Vincent, notre tribu de scouts, qui nous a fait nous rencontrer, Philippe et moi. Hein, tu te souviens, Philippe? Chamois, toujours sûr? Les cimes. Ils attisent toujours. Actif. Oh là là, les cris d'équipage, ça fait tout drôle de les entendre. Et oui, ça paraît si proche et en même temps, c'est si loin. Rennes, qui n'a pas vu seulement naître notre amour, ma chère Marga, mais aussi en 1968, sa magnifique rocade. Bonjour à Benoît de Rennes. Bonjour Margaret, bonjour Philippe. Docteur. Oui, docteur. Et oui. Oui, alors, en fait, on se connaît. Ou plutôt, on s'est connus. Sans blague ! À Rennes alors peut-être ? Benoît de la fac ? Voilà, exactement, Benoît de la fac. Enfin, de la première année de fac de médecine. Ah oui, Benoît ! Comment vas-tu ? Bien. Non, je vois pas. Ah non, bah je vois pas non plus. Bah si, Philippe, tu viens de me demander si on s'est connus à la fac. Hein ? Et toi, Marga, tu te marres toujours pour rien. Non ? Bah Philippe, je suis Benoît Mérand. Je suis le fils du prof de biologie cellulaire que tu avais en première année. Ah, d'accord, Benoît. Voilà. Et alors, du coup, tu l'as redoublé où, ta première année ? Hein ? Ta première année ? Tu t'avais loupé les examens ? Non. Ah ben si, tout le monde le savait que t'avais raté ta première année. Comme beaucoup d'ailleurs, hein, mais t'as continué où ? Mais Benoît, Philippe a fait toutes ses études à Rennes, enfin. Ah non, après la première année, on l'a pas revu. Mais on s'est marié à la fin de la première année, puis après il a continué jusqu'à devenir un docteur. Il travaillait comme un fou, je le voyais pas de la journée, alors à part être à la fac, je vois pas, il s'arrêtait pas sur une aire d'autoroute pour écouter les grosses têtes. Bah, je ne t'ai jamais recroisé, c'est bizarre quand même. Oui, ça arrive, on est très nombreux sur cette bien jolie planète. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous, pour toi ? Voilà, Philippe, je voulais avoir tes conseils. C'est pas pour moi, c'est pour une patiente qui souffre d'une lombalgie, mais j'ai du mal à affiner le diagnostic. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est une lombalgie mécanique banale ou bien si c'est une spondylarthrite inflammatoire. Ouais, alors, bon, déjà, c'est sûr que c'est pas la même chose, hein ? Oui, mais ça se ressemble. Ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça que quoi ? C'est pour ça que moi, je te conseillerais de faire des examens complémentaires. Voilà, merci Benoît. Merci Benoît. Et puis alors, à bientôt. Oui, non, mais c'est déjà fait les examens. Alors, je sais que tu n'es pas rhumatologue. Et non, donc merci. Mais je voulais quand même un coup de main. Il faut au moins 6 éléments de diagnostic pour conclure à une spondylarthrite inflammatoire. Oui, il en faut au moins 6 éléments. Oui, et là, je les ai. Voilà, alors moi, je pencherai plus pour ça, du coup. Pour ? Eh ben, pour la polyphonie arthrite. Spondylarthrite ? Oui. Même sans talagie ni enthésopathie ? Alors, te rester à Rennes, finalement ? T'as de la chance. Parfois, je me demande si on n'aurait pas mieux fait de faire ça aussi. C'est tellement stressant, Paris, même au Vésiné. Et tu es toujours avec Cécile ? Oui, alors quel temps fait-il à Rennes ? Oui, ça va. Donc tu n'as pas vraiment d'avis, alors ? Oui, oh bah, tu sais, ça te regarde, ça. Hein. Puis si tu as préféré rester en province, j'imagine aussi que c'est pour rester près de ta famille. Non, mais sur ma patiente. Bah, hey, dis donc, je vais pas faire ça par téléphone, quand même. Ben, c'est ce que vous faites tous les jours. Oui, mais sur des choses qui sont sans... Oui, alors, parce que tu avais quand même prescrit de la cortisone pour un herpès que tu avais pris pour un eczéma. Non, alors non, c'est la patiente qui avait pris ça pour un eczéma. Voilà, et puis c'est pas ça qui a changé le problème. Ah bah si, son herpès a flambé. Oh bah non, pas flambé. Non, il s'est juste propagé. Bon, t'appelles pas pour faire l'historique de nos consultations quand même, hein? Non, non, bah non, je voulais un coup de main d'un collègue, mais visiblement il a dû sécher les cours de rhumato. Et Cécile, elle l'a gardé finalement, l'enfant, ou pas, hein? Oui, alors j'ai pas forcément envie de parler de ça à la radio. Bon, Philippe, on organise une soirée pour la promo 84, et comme il y a plein de gens qui ne se souviennent pas de toi, eh ben ce serait l'occasion de rafraîchir la mémoire de tout le monde en se rappelant nos bons souvenirs. T'as pas fait de spécialité, toi, après? Bon, ma Benoît, je te sens pas d'évoquer le bon vieux temps, mais les meilleures choses ont une fin, et alors, à bientôt peut-être, à Rennes, qui sait. Au revoir, Benoît. D'accord. Eh ben, au revoir, alors. Au revoir, Philippe. Et à très bientôt. T'inquiète pas. Hein, tu ne t'inquiètes pas? Non, s'inquiète pas. Au revoir, Benoît. Pourquoi il veut pas que tu t'inquiètes? Pourquoi tu voudrais qu'il veuille que je m'inquiète? Non, mais c'est bizarre de dire ça. Oui, de toute façon, avec toi, tout est bizarre. Mais qu'est-ce que t'as? J'ai rien, voilà. Bon, t'as un petit proverbe ou... Non, on n'a plus le temps, voilà. Mais t'es en colère? T'es chafouin? Bon, merci Yann Chouquet pour cette belle mise en onde. Merci, au revoir. Au revoir Philippe. Mais qu'est-ce que tu as? Ben regarde-moi. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.